Il y a un autre verbe porte-manteau qui est très utile et facile à retenir, puisqu'il ressemble au mot français laisser. C'est lassen. Lassen. Lassen, L-A-2-S-E-N. Lassen. Lassen. Lassen Sie mich arbeiten. Ça veut dire laissez-moi travailler. Laissez-moi. Lassen Sie mich. Lassen peut aussi être utilisé pour parler de quelque chose que vous faites faire, que vous laissez faire. Par exemple, si vous faites réparer quelque chose, réparer se dit reparieren. Encore un verbe en ieren qui vient du français. Reparieren. Alors, voyons, comment dira-t-on « je vais le réparer » ? Ich werde... Bien, le réparer ? Es reparieren. Ich werde es reparieren. Donc là, vous dites « je vais le réparer ». Mais si c'est en réalité quelqu'un d'autre qui le répare, là, vous le faites réparer. Et cela donne en allemand « ich werde es reparieren lassen ». Il vous suffit d'ajouter le verbe « lassen ». « Ich werde es reparieren lassen ». Je vais le faire réparer. En allemand, on dit « je vais le laisser réparer ». Comment diriez-vous « je dois le faire réparer » ? C'est-à-dire « je dois le laisser réparer ». « Ich muss es, es reparieren, reparieren, oui, lassen. Ich muss es reparieren lassen. » Bien. Ici, « muss » est le verbe porte-manteau auquel sont accrochés deux manteaux, « reparieren » et « lassen », tous les deux à l'infinitif. « Laver » se dit « penser à la vache ». Waschen. Waschen. Et donc, je vais le faire laver. Ich werde es waschen lassen. Lassen. Lassen. Bien. Ich werde es waschen lassen. Propre se dit rein. Rein. Rein, ça s'écrit R-E-I-N. Exactement comme le mot français rein. Et comme vous le savez, les reins servent à filtrer le sang, à le rendre propre. Donc, rein, R-E-I-N, ça veut dire propre. Pour la prononciation, c'est comme le mot kein, aucun, mais avec un R. Rein, rein. Donc, c'est propre. Es ist rein. Es ist sehr rein. Et nettoyer se dit reinigen, reinigen. À vous d'essayer. Comment dit-on « nous nettoyons » ? Wir reinigen. Reinigen. Ça vient de « rein », propre. Donc, encore une fois, « nous nettoyons » ? Wir reinigen. Wir reinigen. Comment demanderiez-vous poliment « pourriez-vous nettoyer cela, s'il vous plaît ?» Können Sie... non. Könnten Sie es bitte reinigen? Könnten Sie es bitte reinigen? Et pourriez-vous faire nettoyer cela, s'il vous plaît? Könnten Sie es bitte reinigen lassen? Könnten Sie es bitte reinigen lassen? Et maintenant, je dois le faire nettoyer. Ich? Ich muss es reinigen. Ich muss es reinigen, ça veut dire je dois le nettoyer. Mais comment dit-on je dois le faire nettoyer? Ich muss es reinigen lassen. Tout à fait. Ich muss es reinigen lassen.